Dis-moi, Silver, t'en as pas marre d'être tout le temps malheureux? Bah, si, quand même, ça fait un peu chier, tu vois. Et tu fais rien pour être heureux? Bah oui, mais ça marche jamais. L'Akem n'arrive pas à la dû se faire serrer à la frontière. Alors les dealers vont s'en vont, même s'ils n'ont rien à faire. Les potes se cachent, leurs copines ou squat. Toutes ces longues heures de solitude, sans sommeil, j'ai l'habitude. J'ai du mal à marcher dans la ville, existence de néon. J'ai le cœur trop lourd, je bois jusqu'à ta maison. Je suis gêné, il me reste trop d'amour. Je ne sais même plus quoi en faire. J'ai demandé qu'une chose quand je suis rentré sur terre. Mais comme a dit cette dernière, regarde mes seins, ils sont beaux, ils sont gros. Mais tu ne toucheras pas Silver. Moi, l'amour et toi, on n'est pas complémentaires. Ça a donné quick dark, le plus tard à la planète. Dans ma tête, je suis pas net, plus ultra connect. Et si je paume une balle perdue, la tête à son mec, elle va avec. Sinon j'ai voulu donner mon amour à ma famille, mais on l'a vu flou, ne sachant qu'en faire, je suis devenu fou. J'ai essayé d'offrir mon amour, personne n'en voulait. Préférence évader dans les devoirs et les cours, se persuadant que eux n'ont pas de problème et que mon amour était de mauvaise qualité. Faut dire qu'il était étrange, sincère, l'enfoiré, l'étranger. Va falloir faire livraison à domicile, frapper aux portes comme les témoins de Jéhovah. C'était daron, le style, nouvelle excuse pour pas venir chez moi. Mon amour, je l'avais réservé à la beauté qui m'a chauffé. C'était l'amour, la vie qu'on me promettait. Mon amour s'est fait refouler, il est devenu fou comme promettait. Ma chérie, merci d'avoir donner un sens à ma vie, merci de l'avoir gâché aussi. Putain, personne ne veut de mon amour. Pour les gens en difficulté, je le fais même gratuit, essayant de lutter contre le lyrisme comme le terre-terre. Mon existence est chiante avec ou sans terre à terre. Je n'aime pas le bonheur, car ce connard me nargue, se fout de sa gueule. L'amour, tu sais, ne s'achète pas, donc il ne se vend pas. De toute façon, qui en voudrait? Tu t'es... Je ne lui déraiderai jamais les fesses, le bide. Je ne sais jamais juste jeunesse, juste l'amour qui me fait mal au bide. Elle m'engloutit comme l'Atlantide, nage dans la fosse sceptique comme le morceau de Loch Ness, le Messine. Et si Silver, et si c'est le pied, pas le verre. On ne règle plus les aspects, ça nous coûte trop cher. Alors je mets mon amour en solde aux enchères, mais personne n'en veut. J'achète plus mon cher, je m'émue, me mue et me meut. Ma libido est en jachère, dans un champ plein de corbeaux, non loin d'une tempête, tempestive d'un tempesteux. La peste chez un cancéreux, ça gère, mais je t'embête. Le temps des corbeaux est plus vieux, je n'aurai jamais son beau corps, il faudrait que je sois un temps plus vieux. Pourtant j'ai déjà trop de rides. Il faut que je m'épile, tu as tapé pile sur mon tempérament. Ah désolé, pas tempéré maman, j'ai tempêté les vitres d'écran. Mon royaume s'étend, en pensant à toi ma bouteille de Kranz. De façon l'amour est foireux, l'apparence nous manipule comme une bête de foireux. Les babs et les rockers peuvent lutter entre eux, mais pas les rappeurs et les métalleux. Jamais je ne m'étale, fumant comme le métal, je ne suis aucun des deux. Juste le fou dangereux qui vient mettre le feu à ton pieu. Eh, feuillez tes vieux, ils sont pieux, dans mon cœur il faut que tu viennes y mettre un pieu. Les gens préfèrent ceux qui les font cocu, je sais pas si tu le suces ou si tu fais pas. Ça te pue, en tout cas pas satisfait, il t'a trompé avec des sites de cul. Non, je n'ai jamais eu de jeunesse. L'amour, tu sais, ne s'achète pas, donc il ne se vend pas. De toute façon, qui en voudrait? Tu t'es vu t'es trop laid. J'éteins mon MSN, je ne veux même pas lui parler, je l'aime, mais elle ne veut même pas y penser. De toute façon, elle m'aurait foutu en vent comme d'hab, elle aime me faire morfler. Non, je suis pas fatigué, défoncé, juste énervé. Et quand je me barre pour rien, c'est pour essayer de me calmer. Personne n'écoute mes freestyles à la radio, normal, y'a trop de gros mots. Et puis il est 9h du soir, il est tard, il faut faire ses devoirs pour oublier ses déboires. Et puis je vous emmerde, je voulais juste distribuer un peu d'amour aux étrennes, vous donner un peu de bonheur, je voulais vous plaire pour que personne devienne schizophrène. Pourtant, moi non plus, j'avais pas que ça à faire. Je suis pas attirant, tu veux savoir, ma belle, je suis même repoussé. Sans répugnant, je n'ai jamais eu de relation sexuelle, à part peut-être avec l'alcoolo qui me battait. Mais ça c'est comme le sourire de celle que j'aime, j'arrive plus à m'en rappeler. J'ai voulu dédicacer vos noms, personne n'a voulu me les épeler. Personne n'a voulu de l'amour que j'avais gentiment préparé. Alors la compensation, voici toute la vérité. Que ce lot de consolation te torture toute l'année. C'est quick dark, il est pas complètement dérangé. Mais il est pas là pour te battre comme ce macho que t'as kiffé. Maintenant il prépare son crime, la fin, le suicide. Alors qu'il était venu pour aimer, je pue la sincérité jusqu'à ma gueule. Allez viens m'embrasser, suis les conseils de tes copines. Et n'oublie pas de me détester.